Au printemps de 1968, le mécontentement étudiant est à son comble. Au début du mois de mai, les incidents se multiplient dans les facultés de Nanterre et de Paris. Les cours de la Sorbonne sont suspendus. Le bruit court alors que, si la situation s'aggravait, le gouvernement serait prêt à faire intervenir la police pour évacuer la Sorbonne. De fait, dès le 3 mai, la police intervient. Si 4 manifestants n'avaient pas été condamnés à 2 mois de prison ferme, les étudiants ne seraient pas descendus dans la rue pour dresser des barricades dans tout le quartier latin, même s'ils devaient affronter les CRS. À moins de voir le gouvernement disposé à libérer leurs camarades, les étudiants parisiens étaient décidés à aller jusqu'au bout. Au lendemain de la fameuse nuit des barricades, 11 à 12 mai, on dénombre 400 blessés, 188 véhicules incendiés et de nombreux arbres abattus. Les syndicats d'étudiants n'acceptent de négocier avec le gouvernement que si celui-ci libère les condamnés. Mais si une mesure d'apaisement n'intervient pas, il donnerait des consignes de durcissement de la grève. Le Premier ministre, Georges Pompidou, de retour d'un voyage en Iran, prend alors l'initiative de libérer les étudiants condamnés, même s'il doit être désavoué par la suite par le président de la République, le général de Gaulle. Mais le mécontentement ouvrier vient s'ajouter à celui des étudiants. Le 15 mai, les usines Renault sont occupées. Puis la grève s'étend aux services publics vite paralysés. Tant chez les ouvriers que chez les étudiants et les fonctionnaires, c'est l'heure de la contestation. On semble vouloir profiter de l'embarras évident des pouvoirs publics. Le 18 mai, de Gaulle rentre d'un voyage en Roumanie. Le 25, s'ouvrent les négociations dites de Grenelle entre ouvriers et patronat. Si le gouvernement accordait d'importantes concessions aux syndicats, il savait qu'il parviendrait à détacher le mouvement ouvrier du mouvement étudiant. Le 27, l'accord est conclu. Le 29, de Gaulle part secrètement en hélicoptère à Baden-Baden pour s'assurer du soutien éventuel de l'armée en cas de détérioration du climat social. Le 30, le président annonce à la radio la dissolution de la Chambre des députés. Cette allocution a un impact considérable sur l'opinion. Dans le cas contraire, on pourrait se demander si de Gaulle aurait utilisé la manière forte pour rétablir l'ordre. Quoi qu'il en soit, de nouvelles élections donnent aux gaullistes une écrasante majorité, 23-29 juin. Le travail reprend peu à peu dans tout le pays. Si on en juge, avec le recul du temps, les événements de mai 68 auront laissé des traces durables, notamment sur le plan sociologique. En dépit de certaines maladresses, avec plus de souplesse et moins d'acharnement, les étudiants français auraient-ils obtenu satisfaction dans leurs revendications? Ce n'est pas sûr. L'enseignement secondaire et supérieur cessait d'être sélectif et s'ouvrait à la majorité des jeunes. Mais de ce fait, des millions d'entre eux, mal qualifiés, allaient, à partir de 1976, connaître le chômage. Enfin, si l'on se fie aux affirmations des sociologues, l'habitude de la contestation dans tous les domaines aurait accéléré le processus de déchristianisation de la société française.